الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أقرأ عليكم حديثا من أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد فقال وجبت فقلت وما وجبت قال الجنة الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme et réciter قل هو الله أحد. Il a dit وجبت, c'est-à-dire cela lui revient de droit. Puis Abu Huraira, le rapporteur du hadith, a dit « Wa ma wajabat » Qu'est-ce qui lui revient de droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis ». Le paradis. Et ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit « Isnadu sahih »« Sahihun gharib » À la kulli hal, encore un hadith sur les mérites de Sourate Al-Ikhlas. Une faïda avant de commencer le cours de Sira. Sourate Qul Huwallahu Ahad s'appelle Sourate Al-Ikhlas. Et Sourate Al-Kafirun est surnommée également Sourate Al-Ikhlas. Quant à Sourate قل هو الله أحد on l'appelle سورة الإخلاص لأنها أخلصت في الموضوع ما هو ذكر صفة الرب تبارك وتعالى أما سورة الكافرون فهي تسمى كذلك بسورة الإخلاص لأنها في إخلاص توحيد المطلوب أي توحيد الألوهية فمن حقق هذين النوعين نعم فيعني كان من المخلصين من الموحدين سورة الإخلاص s'appelle ainsi car le sujet qui est traité est exclusivement sur Allah, ses noms, ses attributs, sa description. Naam, elle a donc été épurée de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout autre sujet. Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, est également surnommée Suratul Ikhlas. Pourquoi? Car il y a la sincérité du but et de celui qui est visé par le culte, c'est-à-dire Tawhidul Uluhiyya. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité. Le fait d'adorer Allah seul, d'un culte sincère sans rien lui associer. Et celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine du tawhid informatif, c'est-à-dire la description d'Allah, ses noms, ses attributs, ses actions envers ses créatures, il aura concrétisé ce qu'il y a dans Qul Huwa Allahu Ahad. Et celui qui unifie Allah dans le culte aura concrétisé ce qu'il y a dans Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Alors il aura concrétisé la sincérité. Et celui qui fait partie des sincères, il est avec Allah. Allah Azza wa Jalla l'élève dans ce bas monde et dans l'au-delà, il le fait entrer au paradis. Et la description d'Allah et ce qu'on nous fait voir de la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala est soit en affirmant des choses, soit en rejetant des choses. Quant au fait de rejeter, on le trouve dans Qul huwallahu ahad. Quant au fait d'affirmer, on le trouve également dans la sourate Qul huwallahu ahad. Ainsi, cette sourate équivaut à un tiers du Coran et on citera de quel point de vue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad. Dit, c'est Allah unique. Allahu Samad. Allah As-Samad. As-Samad en un mot ne peut pas traduire en langue française de par la perfection et la multitude de sens compris dans ce mot. Qul hu Allahu Ahad dit c'est Allah Ahad. Ce nom d'Allah Azza wa Jal Ahad renie toute ressemblance avec ses créatures et tout défaut. Ahad, c'est un nom d'Allah. Et affirmer cela à la voix affirmative, à la forme affirmative, est propre à Allah. On ne peut pas dire cela pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Et sifatul ahadiyya, l'attribut d'Allah azza wa jalla ahadiyya, le fait qu'il soit unique, ça signifie qu'il n'y a rien qui lui soit semblable et qu'il n'a aucun défaut et aucune imperfection. Donc c'est la négation de toute similitude avec ses créatures et de toute ressemblance et de tout défaut. Donc ça c'est la négation. Puis on a Allahu Samad. As-Samad, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique l'attribut de Samadiyya. Et le sens de As-Samad, c'est As-Sayyidul Kamil. C'est le maître qui a la perfection absolue. Al-maqsoudu bil-hawa'ij. Celui vers lequel on se dirige pour nos besoins. Donc après avoir cité que Al-Ahad, c'était le fait de rejeter tous les défauts et tout shirk, toute ressemblance avec ses créatures, on cite As-Samad pour venir affirmer la perfection absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la forme affirmative. Ainsi, dans ces deux versets, il y a Tawhid al-Asma wa Sifat. La négation de ce qu'il ne faut pas dire d'Allah et l'affirmation de ce qu'il faut avoir comme croyance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. As-Samad, on a cité deux sens. Celui qui a la perfection et celui qui mérite de la part de ses serviteurs qu'il se dirige vers lui. Il y a d'autres sens qui ont été mentionnés par les exégèses du Coran ou les exégètes du Coran, Al-Mufassiroun. Parmi ces sens, ils disent La Jawfala. La Jawfala. Al-Jawf, c'est la cavité pour nous. Par exemple, créature, Al-Jawf, ça va être la cavité interne de la bouche, l'intérieur, la gorge, ainsi de suite. Donc ça montre la nécessité du serviteur de se nourrir. N'est-ce pas? Ça montre son besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, la Jawfala. Donc il se passe largement de toutes ces créatures et il n'a pas de besoin. Et lorsqu'il nous a informé de la sagesse de la création, il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Naam. Est-ce qu'Allah nous a créés parce qu'il a un besoin? Non. « مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقُ » Je n'attends pas de ma subsistance. Ensuite c'est quoi? « مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous pour notre subsistance, pour sa subsistance, ni qu'on le nourrisse. La jawfala, fahuwa al-ghani, subhanahu. Il se passe largement des mondes et n'a aucun besoin. Et d'autres paroles ont encore été citées pour al-samad. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, et d'autres parmi les Mufassirun du Coran nous disent que tous les sens mentionnés ici sont bons. Tous les sens mentionnés ici sont bons. Naam, et ça c'est une règle dans le tafsir. C'est que lorsqu'il y a plusieurs paroles de compagnons et de pieux prédécesseurs, lorsque il n'y a pas de contradiction et que ça ne vient pas à l'encontre d'un texte, on les accepte tous. Naam, on les accepte tous. Donc, ça fait partie des trésors qu'il y a dans cette sourate. Qul huwallahu ahad. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Donc il n'a pas hérité son royaume d'une créature qui était avant Allah. Allah c'est l'awwal wal akhir. C'est le premier, il n'y avait rien avant lui. Le dernier, il n'y a rien après lui. Et il n'a pas été enfanté. Et lui-même n'a pas enfanté. Et lorsqu'Allah nous dit lam yalid wa lam yulad, ça c'est l'affirmation de la perfection d'Allah en rejetant ce qui ne lui revient pas de droit. Ce qui pour lui est un défaut, une imperfection, un besoin. Et Allah Azza wa Jal est exempté de tout ça. Est exempt de tout ça. Subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, lam yalid wa lam yulad, on voit la réfutation en détail, la négation en détail. En général, dans le Coran, la réfutation, la négation, elle est de manière générale. Comme laysa kamithli shay, il n'y a rien qui lui soit similaire. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a pas d'égal. Mais ici, c'est une négation particulière, la négation de l'enfant et des parents. Pourquoi ? Parce que des gens ont prétendu sur Allah cela. Alors il l'a réfuté de manière particulière. Les associateurs sont réfutés dans ce verset parce qu'ils ont dit les anges sont les filles d'Allah. Ta'ala Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens ont dit Isa ibn Allah. Ils ont dit Jésus est le fils d'Allah. Ta'ala Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et Banu Israël ont dit Uzair ibn Allah. Ils ont dit Uzair ibn Allah. À tout cela, la réponse Lam yalit wa lam yulat. Isa alayhi salam est le fils de Maria. Isa alayhi salam est le fils de Maria. Il n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on nous dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Du fait qu'Allah est ahad, du fait qu'il est samad, il a la perfection absolue et l'unicité totale. Ainsi, rien ne lui ressemble. Ainsi, rien ne lui ressemble. Et parmi ceux qui ont une ressemblance, les parents et les enfants. Donc, on nous dit lam yalid wa lam yulad. Il n'y aura pas de ressemblance parce qu'il n'y a pas eu ni de parents ni d'enfants. Allah, c'est l'unique. Lam yalid wa lam yulad. Il n'y a pas de ressemblance. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas hérité. Personne n'héritera de lui. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Al-kuf'u, c'est le mukafi. Celui qui pourrait tenir tête. Celui qui pourrait rivaliser dans la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'a personne qui puisse rivaliser avec lui. Parce que c'est Al-Wahid Al-Qahhar. C'est l'unique, le dominateur suprême, tabaraka wa ta'ala. Nul ne saurait se rapprocher de sa perfection. Nul ne saurait se rapprocher de sa puissance, de sa grandeur, de sa domination. Il est unique, seul, sans associer, tabaraka wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui se rapproche de lui, rien qui ne lui soit semblable. Il n'a pas de nid, d'égal, de nadir, de semblable. De créatures qui se rapprochent d'Allah dans certaines de ses caractéristiques. Non, Allah il est Ahad, il est As-Samad, Lam yalid wa lam yulad et Lam yakul lahu kufuwan. Naam, hakadha barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Avant l'interruption des cours de Sira, nous étions après Sulh al-Hudaybiyah. Naam. On arrive donc à la Madha Khaybar aussi. On avait étudié. On arrive donc à Ghazwatu Dhat الرقاع. غزوة ذات الرقاع. Donc vous notez Ghazwatu ذات الرقاع. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la bataille de Khaybar, qui a eu lieu en l'an 7 après l'Hégire, dans le mois de Muharram, dans le mois de Al-Muharram, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité le prêche et la propagation suite au traité qu'il a eu avec Quraysh à Sulh al-Hudaybiyah, puis à l'élévation que la communauté a eue suite à la bataille de Khaybar. Ils ont donc fait des efforts dans la propagation de l'islam. Et à la bataille de Khaybar, les musulmans ont conquis forteresse après forteresse, et dans certaines de ces forteresses, il y a eu une soumission immédiate, les gens se sont rendus, et dans d'autres, certains ont combattu à l'image de la forteresse de Marhab, Ils l'ont donc encerclé durant 10 jours afin de pouvoir en venir à bout. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wa salam envoya Ali ibn Abi Talib qui a ouvert par sa cause Khaybar. Et c'est à ce moment-là qu'est décédé Amir ibn al-Akwa, l'oncle de Salama radiyallahu anhum. Durant cette bataille Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Safiya, qui était tombée dans le sahm de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu. Et c'était une femme noble de son peuple et une des femmes les plus prisées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc prise et a donné à Dihya d'autres choses. Il l'a affranchie et il l'a épousée. Il l'a affranchie, ce fut sa dot. Et il a donc épousé Safiya radiallahu anha. Et le mariage fut consommé durant le voyage, le retour. À Khaybar, ils ont essayé d'assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une femme yahoudia a demandé quelle partie de la bête le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait manger. On lui a dit l'épaule. Alors elle a préparé un repas qu'elle a empoisonné. Et elle a mis énormément de poison dans les épaules. Ce repas était avancé au prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est apprêté à le consommer avec ses compagnons. Puis subitement, il leur a dit « Retirez vos mains. Ne mangez pas, cette viande a été empoisonnée. » Allah Azza wa Jal lui a révélé que cette viande avait été empoisonnée. Cette femme-là s'appelle Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Qui est-elle? C'est la fille du frère de Marhab, un des chefs de Banu Israël, qui avait été déchu durant la bataille de Khaybar. Donc comme à titre de vengeance, elle a tenté d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la nièce de Marhab, un des chefs de Banu Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a convoqués et leur a dit, vous avez empoisonné cette bête. Ils ont reconnu et la femme a reconnu. Puis il lui a demandé sur la cause. Elle a dit, si tu es prophète et véridique, ça ne te nuira pas, et dans le cas contraire, on se reposera de toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas punis. Il ne les a pas punis pour cela, malgré la gravité de leur acte. Mais par la suite, un des compagnons qui avait mangé de la viande est décédé. Il se prénomme Bishr ibn al-Bara. Bishr ibn al-Bara, radiallahu anhu. Alors il y a eu le qisas. Alors il y a eu al-qisas, qu'on trouve dans al-Tawrah, qu'on trouve dans la Torah, c'est-à-dire la loi du talion, qu'on trouve dans le Coran. Si ce n'est que dans la Torah, celui qui a un proche qui a été assassiné, dans la Torah, ils sont obligés à son tour de prendre sa vie. Or, dans le Coran, ça n'est pas ainsi. C'est une permission, mais ça n'est pas une obligation. Il y a trois choix devant la personne. Elle va voir le juge, elle demande à ce qu'on ôte la vie de celui qui a ôté la vie de son proche. Ce n'est pas la personne qui fait ça elle-même. C'est le gouverneur qui fait appliquer cela. Deuxièmement, le prix du sang. Il paye, il dédommage. Troisièmement, as-samaha. On l'excuse la personne. On pardonne à la personne. Subhanallah. Et ça nous montre la perfection de l'islam. Que c'est la dernière des religions. Na'am. Et celle par laquelle Allah a parachevé la révélation. Donc, cette femme-là, sa vie a été ôtée car elle a assassiné ce sahabi radiallahu anhu, Bishr ibn al-Bara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant de Khaybar, donc la terre était désormais aux compagnons, les gens de Khaybar sont venus le voir et lui ont dit: laisse-nous la terre, nous allons la travailler et tu nous donnes une partie. Il a accepté, mais ça allait être à leurs frais, à eux. Ils ont donc conclu un arrangement. Lequel? Ils vont garder la terre, les gens de Khaybar. Ils vont garder la terre. Ils vont travailler la terre à leurs frais. Et ils auront la moitié des récoltes et le reste au prophète, alayhi salatu wassalam, aux compagnons. Mais la terre appartient aux musulmans. Et lorsqu'ils le décideront, cette terre devra être quittée. Par la suite, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsque Abdullah ibn Omar et un autre sont partis à Khaybar pour certaines de leurs affaires, durant la nuit, ils les ont agressés lâchement. Et ils ont cassé ou tordu le poignet de Abdullah ibn Omar. Au matin, cela a été su, ils ont transmis l'information à Omar ibn Khattab qui les a fait partir au final de Khaybar, radiallahu anhu. Le butin de Khaybar a été partagé auprès de ceux qui avaient participé à l'Hudaybiyah. Le butin de Khaybar a été pour ceux qui étaient à l'Hudaybiyah. Sauf exception. Comme qui? Comme Ahlus Safina, les gens du bateau. Qui sont les gens du bateau? Ce sont les gens de la première hijra ila al-Habasha et de la deuxième hijra ila al-Habasha. Ces derniers, lorsqu'ils ont rejoint le prophète alayhi salat wa salam, c'était à l'époque de Khaybar. Le prophète alayhi salat wa salam leur a donné ou a donné à certains. Naam. Ils sont arrivés de Khaybar à leur tête avec qui? Ja'far ibn Abd al-Muttalib. Naam. Le prophète alayhi salam s'est grandement réjoui de sa venue, il l'a embrassé. Et il fut même dit qu'il a dit: je ne sais pas si je dois plus me réjouir des butins de Khaybar ou bien de la venue du retour de Ja'far qui était parti. Imaginez, un proche à vous, un des meilleurs en comportement, en piété, il part de nombreuses années. Naam, il part de nombreuses années. Hakada. Donc, Mada, le prophète alayhi salatu wassalam, Yanis, parle pas pendant le cours. Rassis-toi à ta place. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens de Safina, les gens qui avaient fait la petite Égir à Al-Habasha, il leur a donné une part du but. Parmi ceux qui sont entrés en islam à cette époque, qui sont partis trouver le prophète, mais ne l'ont pas vu, alors ils sont partis à Khaybar, il y a le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Le plus grand rapporteur de hadith. Naam, qui est Abu Huraira radiallahu anhu. Abdurrahman ibn Sakhr. Ne parle pas pendant le cours. Abdurrahman ibn Sakhr radiallahu an. C'est un des avis chez les savants. Et le cheikh de nos chouyours, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, disait Washtuhira bi kunyati. Naam, en mentionnant la divergence sur son prénom, il disait l'avis le plus répandu, Abdurrahman ibn Sakhr, mais il a été connu sous l'appellation de quoi? De sa kunya, c'est-à-dire Abu Huraira. Abu Huraira. Abu Huraira est arrivé à Khaybar, musulman. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a donné une part. Il lui a donné une part. Après la bataille de Khaybar et après avoir fini à Khaybar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est dirigé vers Wadi al-Qura. Vers Wadi al-Qura. Et à cet endroit-là, pareillement, ils ont appelé les gens à l'islam et ils ont pris cet endroit. Sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu la montagne de Uhud, il a accéléré le pas. Il s'est réjoui. Et il a dit Uhudun. Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit voici Uhud, une montagne qui nous aime et que nous aimons. Donc ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. On atteste de cela et on croit en cela que Uhud est une montagne qu'on aime et qui aime les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également rendu sacré un territoire avec des délimitations. Tout comme Ibrahim alayhi salam avait rendu sacré, c'est-à-dire par l'ordre d'Allah, sous l'ordre d'Allah, Al-Haram, c'est-à-dire Mecca, dans un périmètre précis. Dans ce périmètre, celui qui y prie, la prière équivaut 100 000 récompenses de plus qu'ailleurs. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam au harrama ma bayna la bataille al-Madina. Et il a fait du'a, il a demandé à Allah azza wa jal de mettre la bénédiction dans la terre, les récoltes, les cultures de Médine. Parmi les choses qu'a dit le prophète alayhi salat wa sallam et qu'il disait beaucoup comme c'est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ une dua. Il disait beaucoup une dua, on la mémorise. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et la tristesse. Wa min al-'ajz wal-kasal. Contre l'incapacité et la paresse. Wa min al Jubni wal bukhl, contre la le fait d'être peureux et avare, contre le fait d'être peureux et avare. Wa min dhal'id-dayn, on peut dire aussi dhal'id-dayn wa qahri ar-rijal, et chercher aussi protection près d'Allah contre eux. Le fait que les hommes prennent le dessus sur lui, donc de manière injuste, et contre le fait de se retrouver endetté. Le prophète alayhi salatu wa sallam faisait beaucoup cette dua sallallahu alayhi wa sallam. On arrive en l'an 7 fi shahri al-rabi'. Et on arrive à l'expédition qu'on appelle Zatu al-Riqa'. غزوة ذات الرقاع بعد خيبر كما رجح بعض أهل العلم. C'est la deuxième fois que je te le dis. Ne parle pas pendant le cours. Barakallahu fik. Dans cette expédition, les savants ont grandement divergé sur sa date. Ils ont grandement divergé sur sa date. Ici, on cite qu'elle a eu lieu après Khaybar, donc en l'an 7, durant le mois de Ar-Rabi'. Et ça, c'est l'avis prépondérant chez l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, chez l'Hafidh ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, chez Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Naam. Mais sachez que la majorité des savants et de ceux qui ont écrit dans Sira ont dit que ça n'est pas durant cette année, mais c'est plutôt proche de Al-Ahzab. Donc, il y a une grande divergence sur cela, sur le temps. Donc, on note qu'elle a eu lieu dans l'année 7 après l'Hégire, dans le mois de Ar-Rabi' Al-Awwal. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elle a été appelée cette expédition Dhatu Al-Riqa'? Al-Riqa', c'est lorsque tu prends un bout de tissu et que tu viens coudre cela sur des parties de vêtements parce qu'ils se sont déchirés. Par exemple, une personne marche avec des chaussettes et au niveau des talons, ça se trouve. Donc, il va mettre un bout de tissu et il va le rattacher. Na'am. Ou bien les chaussures se trouent, il va mettre quelque chose. C'est ça, Al-Riqa'. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette bataille Zatul Riqa'? Les savants citaient plusieurs paroles, mais de manière authentique, dans le Bukhari et Muslim, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, nous a cité la cause. Il nous dit, Kharajna ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwa. Nous sommes sortis avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition. Il y avait 6 personnes qui tournaient sur un seul chameau. Sur un seul chameau. Ils se succédaient. Un montait, ils avançaient une certaine distance, puis ils descendaient, le second montait, et ainsi de suite. Donc ils ont énormément marché. À un point tel que leurs pieds se sont gonflés et qu'ils ont souffert de la marche. Il nous dit un point où certains perdaient leurs ongles, Allahu Akbar, à pied, dans l'expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, celui qui marche pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la salat, pour le hajj, pour aller visiter ses parents, pour aller chercher la science, qu'il se rappelle ses situations chez sahaba. Il marche avec le prophète alayhi salatu wassalam. Une grande distance, au point certain, leurs ongles, subhanallah, ils s'enlevaient. Au point leurs pieds enflaient. Au point où ceux qu'ils avaient aux pieds, leurs chaussons et autres, s'ouvraient. Alors ils entouraient leurs pieds de tissu. C'est pour cela qu'on a appelé cette bataille ou cette expédition Dhatu al-Riqa'. On l'appelle aussi Ghazwatul A'ajib. L'expédition des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, de par ce qui a eu lieu comme chose étrange, étonnante. Naam. On l'appelle aussi Ghazwatul Anmar, suite au nom de la Kabila de Bani Ghatafan, Al-Anmar. La plupart des savants notés, Rahimahumullah, et des historiens de l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, dites que Ghazwatu Dhatir Riqa' a eu lieu en l'an 4. Mais l'avis qui a été retenu par plusieurs savants que elle a bel et bien eu lieu après la bataille de Khaybar. Parmi ceux qui prouvent cela, la mention de Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, À l'époque de l'Ahzab, il n'était pas présent. Donc il n'aurait pas pu raconter cela. Il n'était pas présent, il n'aurait pas pu assister à cela. Il n'était pas présent. Mais il a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam après Khaybar. Après Khaybar. Donc la mention de Abu Moussa radiallahu anhu est une preuve qui vient appuyer que Ghazwatu Dhati Riqa' a eu lieu après Khaybar, donc en l'an 7. Deuxièmement, il y a la mention de Abu Huraira. Et on a étudié, bifadlillah, que Abu Huraira s'est converti pendant Khaybar. Il est parti à Al-Madinah, il n'a pas trouvé le prophète alayhi salatu wassalam, et il l'a rejoint par la suite à Khaybar. Et il s'est il a assisté, ou plutôt il a témoigné de l'ouverture de Khaybar. Il a témoigné de l'ouverture de Khaybar. Cela nous montre que ça a donc eu lieu après. Naam. Un troisième point, Salatul Khawf. Notez cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a prié Salatul Khawf. Pendant cette expédition Zatul Riqa'. Rappelez-vous, lors de la bataille de l'Ahzab, quand est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a prié Salat al-Asr? Vous vous souvenez? Ba'da ghurub al-shams. Après le coucher du soleil, parce qu'il était occupé par les coalisés. Vous vous souvenez? Est-ce qu'il a fait la prière de la peur? Non, parce qu'elle n'avait pas encore été légiférée. Et à la Ghazwa Dhatu Riqa', il a prié Salatul Khawf. Si Dhatu Riqa' avait eu lieu en l'an 4, donc il aurait prié la prière de Khawf pendant Al-Ahzab. Du fait qu'il n'ait pas prié Salatul Khawf pendant Ghazwatul Ahzab, ça montre qu'elle n'était pas encore légiférée. Comment alors Ghazwatul Dhati Riqa' a pu avoir lieu en l'an 4 et dans celle-ci il a fait Salatul Khawf et ne pas le faire par la suite pour Al-Ahzab et ne pas la faire par la suite dans Ghazwatul Al-Ahzab? Et ils sont tous d'accord pour dire que pendant Ghazwatul Ahzab, Salatul Khawf n'était pas encore légiféré. Donc cela montre qu'elle n'a pas eu lieu en l'an 4. Et le grand savant, Al-Usul al-Mufassir, Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, sahib al-Adwa, nous dit « Wa'alam anna al-tahqiqa anna ghazwata dhati al-riqa' ba'da khaybar ala al-sahih » Cheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, nous dit « Sache que en réalité la vie prépondérante est de dire que ghazwatu dhati al-riqa' a eu lieu après khaybar. وإن جزم كثير من المؤخرين أو plutôt المؤخرين أنها قبل خيبر même si la plupart, j'ai oublié ce qu'il a dit, des historiens ou bien des contemporains ont dit que elle a eu lieu avant Khaybar. Puis il a cité certaines preuves comme la venue de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Il y a aussi un hadith qui appuie cela, c'est le hadith de Jabir. Jabir radiallahu anhu nous dit, comme c'est rapporté dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salla bil khawf bi ashabi, qu'il a pris la prière de la peur avec ses compagnons, fil ghazwati sabi'a, lors de la septième expédition. Quelle est la première? Les grandes expéditions. C'est Badr. Quelle est la deuxième? Naam. Uhud. Quelle est la troisième? Bani Qurayza. Quelle est la quatrième? Al-Muraysi'a, qu'on appelle aussi ghazwatu Bani Mustaliq. On a combien? Ensuite, Khaybar. Ensuite, Zatul Riqa'. Donc, la septième, c'est Zatul Riqa'. Jaber nous dit à la septième, il a pris la prière de la peur. À la septième, il a pris la prière de la peur. Badr, Uhud, Al-Khandaq, Bani Qurayza, Al-Muraysi', Khaybar et Zatul Riqa'. Ça fait sept. Passons maintenant à la cause de cette expédition. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers Mada, cette tribu de Bani Ratafan? La cause est qu'il est parvenu aux oreilles du prophète alayhi salatu wassalam que la Kabila de Bani Ratafan complotait et se préparait pour l'attaquer. Il complotait et il se préparait pour l'attaquer. Il a donc réuni son armée et est sorti à leur rencontre. Que s'est-il passé durant cette rencontre? Jabir radiallahu anhu nous dit: Kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dhat ar-riqa' min nakhl. Il nous dit qu'il est sorti donc à dhat ar-riqa' de cet endroit et فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانِ. Il a rencontré un groupe de la tribu de Ratafan. Puis il nous dit, et c'est ce qu'il faut retenir, وَلَمْ يَكُنْ قِتَالِ. Et il n'y a pas eu de combat. فَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Mais les gens se sont effrayés les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu les rangs, il y a eu les gens les uns en face des autres, mais il n'y a pas eu, à proprement dit, le combat. Il nous dit également, وَصَلَّ النَّاسَ رَكْعَتَيِّ الْخَوْفِ. Et cette version est celle qu'a cité Ibn Ishaq, un des grands historiens, des grands savants de la Sira. Une référence majeure dans le domaine de la Sira, Ibn Ishaq. رَحِمَهُ ta'ala. On trouve également dans Sahih, ou dans Sahihayn, le hadith de Sahl ibn Abi Hatma al-Ansari et d'autres qui nous citent comment a eu lieu la prière de la peur. Salatul Khawf, c'est la prière qu'on fait en temps de guerre ou lorsqu'il y a une grande crainte de l'ennemi. Naam. Comment a lieu cette prière? On va lire le hadith et on va expliquer certaines façons. Quant à celui qui veut plus de détails, il lui faudra revenir au livre de fiqh dans ce chapitre. Sahl ibn Abi Hatma radiallahu anhu nous dit: que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en face de l'ennemi. Donc il est à la position de l'imam, sallallahu alayhi wa sallam. Il a présidé la prière pour les gens. Wa jama'atun, il y a un groupe qui est derrière lui. Et il y a un deuxième groupe qui est aussi derrière lui. Est-ce que vous visualisez la scène? Le prophète alayhi wa sallam est en face de l'ennemi. Il y a derrière lui un rang qui prie avec lui. Derrière ce rang, il y en a un autre qui prie aussi avec lui. Le prophète alayhi salat wa salam fait la salat, les compagnons font la salat derrière lui. Après deux unités de prière, le premier rang fait le taslim. Naam. Puis il passe et il monte la garde. Le deuxième rang qui était derrière, qui montait la garde à la base, naam, rentre dans le rang. Naam, je reprends. Le prophète sallam est devant. Il y a un rang derrière qui prie. Il y a un autre rang qui monte la garde. Lorsqu'ils finissent deux unités de prière, le rang qui montait la garde rentre dans la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuit avec eux, mais ceux qui ont prié les deux rak'a font le taslim. Ils sortent de la salat et à leur tour ils montent la garde. Après deux unités de prière, le prophète alayhi salatu wassalam fait le taslim. Donc lui a prié combien? 4. Et chaque groupe de compagnons a prié combien? 2. Ça, c'est une première façon. Dans un autre texte, il a prié une raka'a avec des compagnons derrière lui. Après cette raka'a, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il a attendu. Puis, ils ont fini en ajoutant et ils ont fait taslim. C'est alors que le deuxième groupe rentre et le prophète alayhi salatu wassalam les attend. Quand il rentre avec lui, il poursuit la salat. Naam. Il poursuit la salat. Puis il fait le taslim et eux se relèvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, il n'a pas prié 4, mais combien? 2. Est-ce que c'est clair? Donc soit il faisait 2 raka'a, et les sahaba, eux, se relayaient entre la garde et la prière, tout en complétant leur salat. Soit il priait 4, et les compagnons faisaient 2 unités. Puis faisaient le taslim, puis le deuxième groupe venait, faisait 2 unités, puis faisait le taslim. Quant à la disposition des gens, ça dépend de la direction de l'ennemi. Il se peut qu'ils se mettent devant le prophète alayhi salam, il se peut qu'ils se mettent sur le côté, il se peut qu'ils se mettent derrière. Il se peut qu'ils fassent 2 unités, il se peut, yani avec le prophète alayhi salam, il se peut qu'ils en fassent une et qu'ils en rattrapent une. Et tout cela a été mentionné. Une autre façon, c'est qu'ils prient tous ensemble. Si ce n'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se prosterne, et que les compagnons du premier rang se prosternent, ceux du deuxième rang restent debout. Et ils observent l'ennemi, de peur qu'il ne se jette et qu'il n'attaque les compagnons. Puis, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se relève, le rang qui montait la garde avance. Et le rang qui a prié recule, qui a pris la première raka'a, recule et à son tour, na'am, fait ce qu'a fait le deuxième rang au préalable. C'est-à-dire qu'il prie avec le prophète alayhi wasallam, mais lorsque le premier rang et le prophète sallam se prosternent, le deuxième rang reste debout et surveille. Reste debout et surveille. Hakada. Donc voici ce qu'on appelle salatul khawf. Certains textes disent 4 unités pour le prophète alayhi salatu wassalam et 2 pour les compagnons. D'autres disent 2 et non pas 4. Plusieurs événements ont lieu, parmi lesquels le prophète alayhi salatu wassalam s'est fait subtiliser son épée durant son sommeil et son repos sallallahu alayhi wa sallam. Jabir rapporte, comme c'est dans le Bukhari et Muslim, que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a voulu se reposer et reposer les compagnons, qafal wa adrakathum al-qa'ila fi wadi kathir al-'idah ay al-ashjar. Lorsque la lourdeur du voyage s'est fait ressentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans une vallée où il y avait beaucoup de idah, c'est-à-dire beaucoup d'arbres ayant une ombre. Alors il a choisi cet endroit qui était opportun. Et tafarraqa an-nas, chacun s'est mis dans son coin pour se reposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'est mis sous un arbre. Et il a accroché son épée. Il a suspendu son épée. Et il s'est reposé et s'est endormi. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés. Jabir raconte, il dit le prophète alayhi wa sallam plus tard nous a appelés. Il a appelé les compagnons. Fadi'nahu فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌ جَالِسِ Quand nous sommes arrivés, nous avons été surpris de voir qu'il y avait auprès de lui un bédouin qui était assis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté que cet homme-là a subtilisé son épée alors que je dormais. فَاسْتَيْقَذْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا Le prophète alayhi wa sallam dit « Je me suis réveillé et c'est alors qu'il avait mon épée de la sorte. » Vous imaginez, le prophète alayhi wa sallam se réveille et il voit un homme qui tient son épée devant lui, prêt à le toucher d'un mal. Cet homme a dit au prophète alayhi wa sallam « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي Allahu Akbar. Qui est-ce qui pourra te protéger de moi ?» Le prophète alayhi wa sallam a dit « Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ». Il n'a pas ajouté à cela. فَقْسَقَتَ السَّيْفِ مِنْ يَدِي L'épée est tombée de la main du Arabi. L'épée est tombée de la main du Arabi. Il fut dit que son nom, le nom du bédouin est Awrath ibn al-Harith. Awrath ibn al-Harith. Avec un Aïn, puis un Waw, puis un Ra et un Tha ibn al-Harith. وَلَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Mais le prophète عليه وسلم, ne l'a pas puni. Yani, on pense à l'histoire de la femme qui l'a empoisonnée, subhanallah. Elle a voulu l'assassiner. Et là, on voit un homme qui lui prend son épée. Et ces deux-là, le prophète عليه وسلم, ne les a pas punis pour ce qu'ils lui ont fait à lui. Naam, ça montre l'excellence du comportement du prophète عليه وسلم. Et c'est ainsi que le prêcheur, il ne doit pas chercher à secourir sa personne. Mais il doit chercher à secourir le dîn d'Allah Azza wa Jal. Si on parle sur lui, il endure, il patiente. Si on ment, il réfute le mensonge. Mais il reste sur le chemin. Et il ne prend pas trop de temps pour ce qu'il y a en dehors de la da'wah. Mais il concentre son prêche sur ce qui est profitable pour les gens, sur ce qui les rapproche d'Allah, sur ce qui les éloigne de l'enfer. Même si on ment sur lui, même si on colporte, même si on médit, même si on l'agresse, il patiente et il supporte. Par contre, si c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est touchée, et si c'est Janab al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, qui est touché, à ce moment-là, il se met en colère pour Allah azza wa jalla et pour la religion d'Allah. Et il réfute et il expose ce qui mérite d'être fait. Ça, c'est la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se défendait pas pour lui-même. Il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Mais quand les limites d'Allah Azza wa Jal étaient franchies, alors il se mettait en colère. Si ça c'est le cas pour celui qui est le plus noble chez Allah Tabaraka wa Ta'ala, quel devrait être nous notre comportement? Lorsqu'on nous dit une parole qui ne nous convient pas, on se comporte mal et on profère de mauvaises paroles et on dit aux gens « je ne te pardonne pas » et ceci. Dans l'histoire, là, les deux n'étaient pas musulmans avec le prophète Rasulallah. Mais nous, on fait ça avec des muslimines. Tu trouves peut-être même que l'homme dit à son épouse « jusqu'à Yom al-Qiyamah, je ne te pardonne pas ». Tu trouves que l'épouse dit à l'homme « jusqu'à Yom al-Qiyamah, je ne te pardonne pas ». Particulièrement en instance de divorce. Alors qu'Allah Azza wa Jal rappelle à ces gens-là de ne pas oublier le bien qu'ils ont vécu entre eux. Allah rappelle dans le Coran de ne pas oublier le bien qu'ils ont eu entre eux. Na'am. Ça, c'est un comportement qu'on doit prendre du prophète alayhi salatu wassalam. Quand une personne nous opprime, na'am, alors qu'on est sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, on endure, on patiente, on supporte. Et ça, ça n'est pas la faiblesse. La faiblesse, c'est de se soumettre à ses passions. La faiblesse, c'est de ne pas réussir à endurer, à supporter. Ça, c'est le faible. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Laysa shadid bisur'a » Le plus fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le plus fort, « Alladhi yamlik nafsa » C'est celui qui sait se contenir, se retenir. Naam. Lorsque les causes contraires se manifestent. Lorsque les causes qui poussent à cela se manifestent. Dans une autre version, cet homme, après avoir pris l'épée du prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit Takhafouni, est-ce que tu me crains, est-ce que tu as peur de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu là, non. C'est ainsi qu'est al-muwahhid, le monothéiste. Il n'a peur de personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il sait que si l'ensemble des hommes et des djinns s'unissaient pour le toucher d'un mal, il ne pourrait le faire. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Ça, c'est la aqida du musulman. Allah dit dans le Coran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Il nous informe que Shaitan wa awliya'u et que ses alliés tentent de nous faire peur. Tentent de nous faire peur. C'est le dernier avertissement. Et après ? Après, je vais te faire sortir du masjid. De la mosquée. Si tu peux. Inch'Allah. Bi'idhnillah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salat wa salam lui a dit non. Yani, je n'ai pas peur de toi. Et lui a dit, je n'ai pas peur de toi. Cet homme s'est étonné et lui a dit, wa man yamna'uka minni? Et qui est-ce qui pourra te protéger de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah. Ça, c'est une aqida qu'on doit tous avoir. C'est une aqida qu'on doit tous avoir. C'est de savoir que seul Allah tabaraka wa ta'ala décide de tout ce qui se passe dans les cieux sur la terre. Et que si la chose, elle est devant toi, à un centimètre de toi, elle ne t'atteindra pas, sauf si Allah l'a décrété. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et à l'inverse, si un mal doit t'atteindre, et que tu ne vois aucune cause, et que cette chose t'a été décrétée, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tu te rendes à l'endroit où doit te toucher cette chose-là. Tu vas te rendre à l'endroit où doit te toucher cette chose-là pour que le décret d'Allah Azza wa Jal se concrétise pleinement. Subhanahu wa ta'ala, allamul ghuyub. Donc ça, c'est une qissa azima qui nous éduque le courage du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous éduque sur le sabre, l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi sur le comment il supportait la nuisance des gens alors qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, bien qu'il y a bien plus que cela, hilm an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde histoire, c'est l'histoire de l'homme qui a voulu se venger des compagnons. Pourquoi ? Car durant l'expédition, sa fille, ou bien plutôt son épouse, avait été du nombre des prisonniers. Naam, il y a eu des prisonniers. Parmi ces prisonniers-là, il y a eu l'épouse de cet homme, parmi les associateurs. Alors il a juré, comme l'a cité al-Bukhari ta'liqan, il a juré de faire couler le sang des compagnons. Il les a donc rattrapés. Et alors que le prophète alayhi salatu wassalam et sahaba se sont reposés une nuit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, qui est-ce qui va nous garder cette nuit? Qui est-ce qui va monter la garde? Alors un homme parmi les muhajirun a dit moi, et un homme parmi les ansar a dit moi. Et ici on voit quoi? On voit isti'mal al-asbab, le fait d'utiliser les causes. C'est le messager d'Allah, il est préservé par Allah, n'est-ce pas? Malgré ça, il fait les causes. Donc de faire les causes, c'est du dîn. De faire les causes, c'est légiférer. Tu dis pas je suis, non, tu fais les causes, puis tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, donc il y a un ansari qui a dit moi, il y a un muhajiri qui a dit moi. Qui est le muhajiri? C'est Ammar ibn Yasir. Le muhajiri, c'est Ammar ibn Yasir. Radiallahu anhu. Qui sont les parents de Ammar? Qui sont les parents de Ammar? Dites-moi. Les premiers martyrs de l'islam. Soumaïa, sa mère, radiallahu anha, qui a été assassinée parce qu'elle disait La ilaha illallah. Et son père, Ammar, radiallahu anhu. Et Ammar qui a été torturé par Kuffar Quraysh parce qu'il disait La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cette parole qu'on peut prononcer sans rien, sans craindre quoi que ce soit. Naam. Mais eux, à leur époque, pour nous donner cet héritage-là, naam, ils risquaient leur vie en disant cette parole-là, en propageant le dîn d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Amr ibn Yasir a été torturé pour mécroire. Il n'a pas mécru. Il a été torturé pour insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a eu peur pour sa vie. Il a prononcé des paroles avec sa langue en ayant le contraire dans son cœur. Malgré ça, qu'il a été contraint et forcé, et qu'il détestait en son intérieur cela, il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en pleurant, et il lui a raconté l'histoire. J'ai dit ça, ils m'ont fait ça, j'ai donc dit ça. Et il lui a dit, « Kaifa wajadta qalbak ?» Comment est-ce que tu as trouvé ton cœur à ce moment-là? Il lui a dit, « Mutma innun bil iman » apaisé par la foi. Il lui a dit, « In aadu fa'out » S'il recommence, recommence. Naam. C'est-à-dire que le croyant, s'il est contraint à prononcer la parole de mécréance, il a le droit de la prononcer pour sauver sa vie, à condition que dans son cœur, il ait le contraire. Ça, c'est une facilité dans cette religion. Amr ibn Yasir a donc dit, moi, il y a Ansari qui s'appelle Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr. Ces deux hommes-là ont donc monté la garde. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons sont reposés. Abbad a dit à Ammar, أي ليلة تحب أن أكفيك أولها أم آخرها؟ Ô Ammar, laquelle des deux parties de la nuit souhaites-tu que je te suffise? C'est-à-dire, et puis donc la première partie de la nuit, la première moitié, tu te reposes toi et moi je monte la garde, ou bien la seconde partie de la nuit, donc on inverse. Ammar radiallahu anhu lui a dit la première partie. C'est-à-dire, je me repose la première partie et toi, tu montes la garde la première partie. Quelle est donc cette garde que ce sahabi a montée? Comment étaient sahaba en voyage? Et comment est-ce qu'ils occupaient leur temps durant leur nuit en voyage? Écoutez l'histoire de ce noble sahabi Abbad ibn Bishr radiallahu anhum ajma'in. Ammar s'est allongé jusqu'à se reposer sans dormir. Faqama al-Ansari yusalli. Allahu Akbar. Le Ansari s'est levé et il a prié. Il a commencé à prier. L'homme qui était à leur poursuite est arrivé, il s'est caché, il a vu une silhouette. Il a su que c'était celui qui montait la garde. Il a donc sorti une flèche de son carquois, de son étui, et il a visé le sahabi, et en effet, il l'a atteint. Alors qu'il était en salat, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'a donc fait ce sahabi, Abbad radiallahu anhu? Il a enlevé l'épée. Il a enlevé la flèche, et il a poursuivi sa salat. Allahu Akbar. Il a poursuivi sa salat. Nous, pour un oui ou pour un non, on est déconcentré dans notre salat. Ou dans le cours, ou bien dans le khutba, ou bien dans la lecture du Coran. Les sahaba avaient la considération de la salat. La considération du Coran. Et ça, c'est une chose qu'Allah met dans le cœur de celui qu'il a aimé. Dans le cœur de celui qu'il veut honorer et élever. Ça n'est pas donné à tout le monde. Il a donc continué sa salat. Cet homme a pris une seconde flèche, l'a visée et l'a touchée à nouveau. Abbad a enlevé cette flèche et il a poursuivi sa salat. Il a poursuivi sa prière. Une troisième fois, il a été touché, il a eu une hémorragie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi sa salat. Il a fait takbir, il a fait ruku'. Il a fait dhikr, il s'est relevé, il a fait sujoud jusqu'à finir sa salat. Il est tombé, il a réveillé Ammar. Naam. Quand il a vu qu'il était touché gravement, qu'il n'allait pas pouvoir honorer l'ordre du prophète, alayhi salat wa salam, il a vite fini sa prière, il est tombé, il a réveillé Ammar. Ammar l'a vu en sang, il a dit, Subhanallah, halan nabbahtani, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Il lui a répondu une parole. Et yani, le cœur la prononce avant la langue. Le cœur la prononce avant la langue. Et c'est une parole qui pénètre les cœurs avant les oreilles, wallah. Il a répondu, Kuntu fi surah. J'étais en train de lire une sourate du Coran. J'étais en train de lire une sourate du Coran. Falam uhibba an aqta'aha. Et je n'ai pas voulu la couper, l'interrompre. Je n'ai pas voulu interrompre la lecture de cette sourate. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa aymullah. Puis il a juré par Allah. Lawla an udayya tharan amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bihifdhihi la quti'a nafsi qabla an aqta'aha aw unfidhaha. Puis il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala en disant que si ça n'était pas la responsabilité que m'a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam de monter la garde et de surveiller le groupe, j'aurais été découpé, mais jamais je n'aurais interrompu cette sourate. Un ennemi aurait pu même me découper. Jamais je n'aurais interrompu cette sourate. ذكر هذه القصة ابن إسحاق رحمه الله تعالى وحسنه جمع من أهل العلم. ابن إسحاق a cité cette قصة et certains parmi les savants ont dit que ce hadith est Hassan. On dit que ce hadith est Hassan et c'est un sujet de divergence entre les ulama. Parmi ceux qui l'ont accepté, il y a le grand savant Madh al-Albani رحمه الله تعالى. Une autre histoire qui a eu lieu, c'est l'histoire de Jabir radiallahu anhu. Imam al-Bukhari, l'imam muslim rapporte cette histoire et auprès d'Ibn Ishaq rahimahullah, on nous mentionne qu'elle a eu lieu dans cette Ghazwa Dhat al-Riqa'a. Dans le chemin du retour, Abta'a Jamal Jabir radiallahu an. Sur le chemin du retour, le chameau de Jabir n'avançait plus à allure convenable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans son état et il lui a demandé que se passe-t-il. Jabir lui a dit que son chameau n'avançait plus, ni de par la fatigue, du chemin et autres. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, arrête-toi, descends, emporte-moi un bout de bois. Jabir a coupé d'une branche d'un arbre. Le prophète alayhi salatu wassalam a touché le al-jamal, le chameau, de son bâton et il a invoqué. Et il a invoqué. Puis Jabir est remonté sur le chameau. Et le chameau est avancé à vive allure. Au point d'avancer plus vite, ou au point de concurrencer la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit au point de concurrencer la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi? Et deuxième question, comment s'appelle la chamelle du prophète sallallahu alayhi wassalam? Premièrement, quel est son nom? Al-Qaswa. Quelle était une de ses caractéristiques? C'est qu'elle était très rapide et personne n'arrivait à la dépasser à la course. Personne n'arrivait à la dépasser à la course. Au point où Jabir retenait son chameau. Il retenait son chameau pour pas que son chameau dépasse la chamelle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les Sahaba n'aimaient pas que leur chamelle dépasse celle du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Jabir radiallahu anhu a pu faire la marche avec le, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et là le prophète sallallahu alayhi wassalam a discuté avec Jabir et il lui a posé des questions et il s'est informé de sa situation familiale. Il lui a dit, Ya Jabir, hal tazawwajt? Il lui a dit, oh Jabir, est-ce que tu t'es marié? Il lui a dit, Na'am, ya Rasulallah. Il lui a dit, oui, au messager d'Allah. Il lui a dit, le prophète sallam a donc dit à Jabir, Mada, avant ça, j'ai oublié. Il lui a dit, Ya Jabir, atubi'ani? Ou hal tubi'uni? Jamalak? Yani, ce chameau qui n'avançait plus, ce chameau qui était fatigué, qui maintenant avance à vive allure. Le prophète Ali sallam lui a dit, oh Jabir, tu me le vends? Tu me vends ton chameau? Jabir a dit, non, au messager d'Allah. Puis le prophète Ali sallam lui a dit, allez, Jabir, tu me vends ton chameau? Et il lui a dit, non, au messager d'Allah, je te le donne. Ahabuhu lak. Et il lui a dit, non, je te l'achète. Yani, je te l'achète. Ainsi, tu vois que sahibu din, il ne doit pas acheter dunya avec son din. Non? Les commerçants sont bienfaisants en général avec Sahibuddin, avec le savant et autres. Mais le savant, Talib ilm, Hafid al-Quran, l'imam et ces gens-là ne doivent pas aller au point de profiter de la situation et de faire comme un échange entre ceux qui sont généreux lui donnent ou leur donnent et le din qu'il porte. Non. Si la personne est généreuse avec toi et que tu n'as rien demandé, tu as le droit d'accepter. Mais toi, à ton tour, essaye de le dédommager. Si tu ne trouves rien pour le dédommager, fais dua pour lui, jusqu'à penser que tu l'as remboursé. Ainsi, ton cœur ne restera rattaché que à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est le secret pour lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Man sana'a ilaykum ma'roufan fakafi'ou. » Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. Les savants ont dit, pour que le cœur reste toujours attaché que à Allah. Et il ne penche pas vers le créature. La créature qui te donne, puis après t'avoir donné, elle te redonne. Et là, tu commences à faiblir. Et peut-être que le prêcheur sur la vérité va commencer à avoir la mâchoire liée et ne plus pouvoir dire la vérité parce qu'on lui donne de l'argent, parce qu'on lui donne des cadeaux pour se taire sur le faux. Non. Il convient au savant, il convient à l'imam, il convient au talbi'i de développer son risque, bi'idhnillah, de sorte à pouvoir être indépendant. Même si c'est un droit qu'il a, qu'on lui donne pour le temps qu'il donne. Non, mais il ne doit pas se reposer sur les créatures, de sorte à être libre de dire la vérité. Et que son cœur ne penche jamais vers une créature. Na'am. Et ça, c'est la liberté réelle. At-tawhid. At-tawhid. Ça, c'est la liberté. Comme a dit Ibn al-Qayyim dans Nouniya, ils se sont sauvés de al-riq, de la servitude pour laquelle ils ont été créés. Faboulou, ils ont donc été éprouvés par la servitude devant leur passion. Allah nous a créés pour qu'on se soumette à lui. Ceux qui refusent de se soumettre à Allah, Allah va les éprouver, ils vont se soumettre aux créatures, à l'argent, aux femmes, à la dunya, au pouvoir et autres. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé une troisième fois, « Oh Jabir, vends-moi ton chameau. » Puis Jabir a accepté. Puis Jabir radiallahu an a accepté. Le prophète alayhi salatu wassalam voulait lui donner 2 dirhams, 2 pièces d'argent. Jabir a dit non, c'est trop. Et il a fait baisser, il a fait baisser, il a fait baisser jusqu'à 2 uqiyah, 2 pièces d'une valeur bien moindre. Puis il lui a dit Radit, est-ce que tu es satisfait? Il lui a dit Radit. Au moment où la personne vend une chose, celui qui dit j'accepte, donc toi tu as ce téléphone, tu lui dis je te vends ce téléphone pour 100 euros. Si la personne elle dit j'accepte, naam, la vente est faite, même s'il ne lui a pas donné l'argent. Est-ce que c'est compris? Par la suite, toi qui as vendu le téléphone, tu arrives ici. Un autre dit, il est beau ton téléphone, je te l'achète à 150, pour 150 euros. Tu n'as plus le droit de lui vendre. Parce que tu l'as vendu à l'autre, même s'il ne t'a pas encore donné l'argent. Ça, c'est une règle dans le commerce qu'on doit connaître. Jabir a émis une condition. Il lui a dit, Rasulallah, mais j'ai une condition. C'est qu'arrivé à Medina, tu me laisses la chamelle, le temps de prendre mes affaires et de les mettre dans tel endroit. Il a accepté. Une deuxième chose qu'on tire dans la science du commerce, c'est le droit de conditionner quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la vente, ni à l'encontre des règles religieuses. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc accepté cela. Donc le chameau est désormais acquis au prophète alayhi salatu wassalam. Arrivé à Medina, Jabir a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam la condition. Donc il est parti chercher son mata', c'est bien, et il a mis cela sur la chamelle, il a déposé tout cela, puis il est venu pour donner la chamelle au prophète, le chameau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Jabir, je te le donne. Naam. Donc Jabir est reparti, yani à l'aller, dans quelle situation est-ce qu'il était? Dites-moi. Il était avec un chameau qui n'avançait plus. Arrivé à Medina, il s'est retrouvé dans quelle situation? Avec un chameau, un des plus rapides, et avec quoi? Avec l'argent aussi. Naam. Avec l'argent. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment le prophète alayhi wa sallam était dans le commerce. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Naam. Est-ce qu'on a vu plus généreux que le prophète alayhi wa sallam? Par sa cause, Allah met la baraka dans ton bien. Puis il te donne de l'argent, puis il te donne ton bien, il dit garde l'argent et garde le bien. Allahu Akbar. Oh combien cette action est magnifique. Naam. Si on fait ça à un orphelin, ou on fait ça à une femme veuve ou une personne dans le besoin. Naam. On lui dit, je te vends telle chose à bas prix. Taillé. Puis, prix de miséricorde pour cette personne-là, on lui donne la chose, on lui rajoute de l'argent. Allahu Akbar. Combien on voit, subhanallah, sur les routes, parmi nos frères et sœurs, ou plutôt parmi nos frères et les enfants. Naam, des gens dans le besoin, des gens qui dorment dehors dans ce froid-là. Naam, kam huwa jamil. Oh combien c'est magnifique que de voir des frères qui vont aller dans un magasin acheter des gants pour quelques euros. Naam. Au lieu d'acheter pour une fois un sandwich à 5 euros, il se dit, subhanallah, j'ai à manger chez moi, il y a mes frères dehors. Il va et l'achète pour 5 euros peut-être des gants. Et il va dans cet endroit-là, et il voit une personne dans le besoin, et lui dit, tiens. Il lui passe le salam, il prend de ses nouvelles, il lui donne un sourire, il lui donne cela, et il repart. En n'attendant rien, même pas de doua. Il lui dit même pas, dit, fais-moi de doua. Même ça, elle ne demande pas. Ça fait partie de la perfection, de la sincérité dans le don. Même être doua, il ne demande pas, parce que ça peut être une contrepartie pour ton action. Non, attends que chez Allah. Même être doua, tu ne dis pas, fais doua pour moi. Allah est capable de mettre dans son calme de faire doua pour toi. Et rappelle-toi le verset dans Sourate Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On vous nourrit que pour le visage d'Allah. On ne veut pas de votre part de récompense, ni de madha, de remerciement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh Jabir, est-ce que tu t'es marié? C'est l'heure du adhan? Taïb. Naam. On va écouter l'adhan. Allah. Le dernier passage qu'on citera, la dernière histoire, en relation avec Razwatu Dhat al-Riqa', toujours avec Jabir radiallahu anhu, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Hal tazawwajt, est-ce que tu t'es marié? Faqala na'am. Jabir a répondu oui. Qala athayban am bikra. Il lui a dit, est-ce que tu t'es marié avec une femme qui a déjà été mariée ou bien une femme vierge? Qala bal thayyiba. Mais plutôt, il lui a dit non, plutôt une femme qui a déjà été mariée. Qala afala jariyah. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas épousé une jeune fille, c'est-à-dire qui n'a pas connu le mariage? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Na'am. Afin que vous puissiez vous divertir. Elle te divertit et tu la divertis. Qala, écoutez la réponse de Jabir et la cause de son agissement. Il lui a dit, radiallahu anhuma, inna abi qad mat fi Uhud. Il lui a dit, certes, mon père est mort le jour de la bataille de Uhud. Wa taraka banatin lahu sab'an. Il a laissé 7 filles. Allahu Akbar. Il a laissé 7 filles. Fatazawajtuha. J'ai donc épousé cette femme. Hatta tajma'a ru'usahun. J'ai donc épousé cette femme afin qu'elle les réunisse. Yani qu'elle s'occupe d'elle. Wa tumshitahun. Et afin qu'elle les peigne et qu'elle prenne soin d'elle. Wa taqumu alayhin. Et qu'elle s'occupe d'elle. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asabt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors tu as bien agi. Alors tu as bien agi. Et là on voit la valeur de ce sahabi et la valeur du père de ce sahabi et le choix judicieux de l'épouse qu'il a choisi et de la responsabilité qu'il a portée envers les membres de sa famille. Et l'islam est une religion qui a honoré les femmes comme jamais personne ni aucune religion n'a pu égaler ni même se rapprocher. L'islam a honoré la fille à la naissance. Avant l'islam, on enterrait les filles vivantes. Et il y avait une divergence entre les nations. Est-ce que la fille a une raison ou pas? Est-ce qu'elle est plus proche de l'animal ou de l'humain? L'islam a donné vie à cette fille-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, si mes souvenirs sont bons. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah vous interdit 3 choses. Parmi ces choses-là, il a dit, wa wa'd al-banat. Il vous interdit d'enterrer les filles vivantes. Si je me souviens bien, man'an wahat, de retenir et de dire donne, et de ne pas s'acquitter de ses devoirs et de prendre ce qui ne revient pas de droit. Et le premier, uququl ummahat. إن الله منعكم عقوق ينهاكم عن عقوق عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات ومنع وهات. Selon les faibles souvenirs que j'ai, certes Allah vous a interdit la désobéissance envers vos mères, d'enterrer les filles vivantes et de dire donne et de retenir. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal menace ceux qui font cela. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée, c'est-à-dire yawm al-qiyam, alors du jugement, pour quelle raison as-tu été enterrée? Ça, c'est une menace à l'encontre de ceux qui faisaient cela. Puis Allah Azza wa Jal l'a honorée en tant que petite fille. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui à qui Allah donne 3 filles, qui les honore, les éduque jusqu'à les marier, ou comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, elles seront un sitre, un rempart contre l'enfer yawm al-qiyam. Allahu Akbar. En tant qu'épouse, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il s'adresse aux responsables des femmes, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuhu. Il dit de choisir un bon époux. S'il vous vient, celui dont vous agréez la religiosité et le din et le comportement marié. Ça, c'est une responsabilité chez les pères. Aussi, on nous ordonne de dépenser pour les filles, d'honorer les filles et d'être bienveillant, d'avoir de la pitié envers les filles. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu la femme qui a partagé, na'am, c'est de la nourriture pour ses enfants ou ses petites filles, le prophète alayhi salatu wassalam a été touché par son agissement et a annoncé ce qu'Allah Azza wa Jal lui accordera. Naam. Puis Allah Azza wa Jalla a honoré la femme en tant que mère. Et il a cité son droit à côté du droit d'Allah Azza wa Jalla, le plus grand tawhid. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٍ. Et Allah Azza wa Jalla a cité la souffrance de la mère lorsqu'elle porte l'enfant. حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا وَكَرْهًا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Peine sur peine, elle porte l'enfant. وَضَعَتْهُ كُرْهًا. Elle l'a porté avec difficulté, elle l'enfante avec difficulté. Et l'homme, le garçon, ne connaît la valeur de sa mère dans cette souffrance qu'elle a eue que lorsque lui-même voit l'accouchement. Et la souffrance de la mère et la difficulté à supporter cela. Et certaines mères donnent la vie et la perdent. Et la perdent pour donner la vie à l'enfant. Donc Allah Azza wa Jalla a immensifié le droit de la mère dans l'islam. Naam. Il lui a donné la valeur également en tant que tante, en tant que khala, la sœur de la mère à la place de la mère. Et en tant que femme âgée, Allah l'a honorée. Dans toutes les phases de sa vie, la fille a été honorée. C'est pour cela que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a épousé une femme qui a déjà été mariée malgré son jeune âge, pour qu'elle s'occupe de ses sœurs et qu'il n'y ait pas de divergence. S'il avait épousé une jeune, elle aurait pu se disputer avec ses sœurs. C'est ainsi qu'on finit la razwa de Dhat al-Riqa'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.